beer. HDV. Ok, ok, c'est du lourd. C'est du lourd. C'est du lourd et ça dégomme, c'est normal. Tu peux pas tester. Car c'est habillé, posé sur l'instrumental. HDV est habillé. C'est du lourd et ça dégomme, c'est normal. Tu peux pas tester. Car c'est habillé, posé sur l'instrumental. HDV est habillé. Habillé, HDV, c'est du lourd et tu le sais. Tu peux pas les tester, c'est MC et tu le sais. On est des dingos, Mike, mais ça tu le sais. On a la dégaine, le style, mais ça tu le sais. Ce son, c'est du lourd et ça résonne dans ta tête. Ouais. Un son idéal, question de faire la fête. Bouge ton boule, qu'attends, dis-moi que t'es atteint. Par ce son qui te défonce, même si tu es à jeun. Habillé, HDV dans la classe. On a la dégaine, on a aussi la classe. C'est un son qui sent lourd dans tes oreilles. Tu l'entends partout, même dans ton sommeil. C'est du lourd et ça résonne, c'est du lourd et ça dégomme. Habillé HDV dans la place. Check nous dans ton lecteur. Tu verras comment nous on fout la haine. C'est du lourd et ça dégomme, c'est normal. Tu peux pas tester. Car c'est habillé, posé sur l'instrumental. HDV est habillé. C'est du lourd et ça dégomme, c'est normal. Tu peux pas tester. Car c'est habillé, posé sur l'instrumental. HDV est habillé. HDV est habillé. T'as compris, le peuple veut du meurtre, oser du lourd dans les oreilles. Le son qui te fait bouger, qui te fait valser à 3 km à la ronde. Avec ou sans détour, le son pète comme une bombe. Ici faut s'accrocher, les mecs de tête sont lancés, sont pressés à fleur de peau. OB pour péter le micro, avoue que tu kiffes mon flow. En fit ou en solo, on parle mal du 5-4. Les mecs comptent en bas, à 4 pages tes avates. L'instru est si violente, pourtant elle me tourange. Je t'assure qu'avec moi, elle n'est pas arrogante. Bouge ton bout. Et ça dégomme, c'est normal. Tu peux pas tester. Car c'est habillé, posé sur l'instrumental. HDV est habillé. C'est du lourd et ça dégomme, c'est normal. Tu peux pas tester. Car c'est habillé, posé sur l'instrumental.